Niyonguru. Bonjour auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée, mais d'abord les principaux titres. Le 1er novembre, fête de la Toussaint pour les chrétiens catholiques. Dans son homélie, Mgr Banchimi Woussa, archevêque de Bujumbura, appelle les chrétiens à vivre en harmonie. La justice et le partage doivent les caractériser. Et 10 maisons d'habitation, des salles de classe de l'école fondamentale de Muhinga en zone Buvyuko de la commune et province Bubanza ont été endommagées par les pluies mélangées aux vents violents qui se sont abattus dans cette localité ce dimanche soir. Certains citadins espèrent une si favorable par rapport à la COP26, une réunion sur le changement climatique qui se tient depuis ce 31 octobre à Glasgow en Écosse. Et à la fin de cette édition, vous aurez droit à une chronique sportive comme tous les lundis. Aujourd'hui, on va vous parler des formations exigeantes pour arbitrer le Kung Fu. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore une fois. 10 maisons d'habitation, des salles de classe de l'école fondamentale de Muhinga en zone Buvyuko de la commune et province Bubanza ont été endommagées par des pluies mélangées aux vents violents qui se sont abattus dans cette localité dimanche soir, comme le rapportent les administratifs locaux. Le chef de zone Buvyuko précise également que même le bureau du directeur a été détruit. Aussi, les administratifs locaux de la zone Muramba rapportent des maisons non encore dénombrées et des salles de classe qui ont été endommagées dans cette zone. Les victimes étaient en train de rassembler ce lundi des restes des toitures et demandent une assistance. 19 compteurs d'eau ont été volés ces derniers jours dans certains ménages chefliers de la province Karoussi et Buhiga. La plupart des habitants de Karoussi s'étonnent de ce vol qu'ils disent inhabituel. L'administration et la police disent aussi étonnés et demandent une collaboration étroite avec la population pour troquer ces malfaiteurs. À la régie des eaux Karoussi, l'on indique ne pas être au courant de la destination de ces compteurs volés. D'autant plus que cette société n'acceptait pas des compteurs qui viendraient d'ailleurs, n'est-ce pas, Blaise Pascal Kararoumi? Les sources de la régie des eaux, antenne provinciale de Karoussi, confirment que ces compteurs d'eau ont été volés par des individus non encore connus dans les ménages du chef-lieu de la province Karoussi, où l'on compte 9 compteurs d'eau qui ont été volés, 10 autres ayant été volés au centre de négoce de Buhiga. Cela étant aussi confirmé par les sources de la régie communale de l'eau de Buhiga, qui assure la gestion et la distribution de l'eau au centre de négoce de Buhiga. Les habitants de ces deux centres de la commune de Buhiga indiquent que tous ces 19 compteurs d'eau ont été démontés et volés dans une période n'excédant pas un mois. Ils s'étonnent que ces compteurs qui étaient en location deviennent des cibles de vol ces jours-ci. À l'administration communale de Buhiga et à la police de la place, ces autorités s'étonnent aussi du vol de ces compteurs et disent penser que la régie des eaux hydrauliques était le seul détenteur d'approvisionnement des compteurs à leurs clients. Ils demandent la collaboration étroite avec tous les citoyens afin de traquer ces malfaiteurs. Ils demandent aussi que les propriétaires des compteurs puissent les protéger par des constructions ou bien des caisses. La régie des eaux, antenne provinciale de Karoussi, on indique ne pas être au courant de la destination de ces compteurs qui sont volés, confirmant qu'ils sont les seuls qui devraient fournir les compteurs à leurs clients. Ils demandent aussi aux propriétaires de protéger les compteurs qu'ils reçoivent. Aux individus à qui on a volé les compteurs, ces responsables de la régie des eaux demandent de chaque fois aller s'adresser au bureau de la régie des eaux pour une nouvelle demande. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Arrivé jusqu'à 1,5 degrés Celsius de hausse moyenne de température est l'une des objectifs de la COP26, c'est le sommet sur le climat qui se tient à Glasgow en Écosse. Ce sommet vient renforcer les accords de Paris sur le climat signés en 2015 par 196 pays. Armel Moutore pour plus de détails. La COP s'agit d'un sommet annuel sur le climat organisé par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, un organe des Nations Unies chargé du climat. COP est l'abréviation de Conférence des parties, c'est-à-dire une réunion de pays. Cette année 2021, c'est la 26e fois qu'elle se tient, d'où le nom de COP26. La COP26 est décrite comme le plus grand moment climatique depuis l'accord de Paris lors de la COP21 en 2015, le traité historique signé par 196 pays qui se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, de préférence à moins 1,5 degré. Cette COP doit régler un sujet explosif, la question des 100 milliards de dollars que les pays développés ont promis de verser chaque année aux pays en voie de développement pour financer leur transition écologique. En effet, en 2009, à Copenhague, au Danemark, les pays développés s'étaient engagés à allouer chaque année 100 milliards de dollars, environ 86 milliards d'euros, pour financer la transition dans les pays en développement. La logique est simple, les pays industrialisés, responsables historiques du réchauffement climatique, doivent aider les pays dont la responsabilité dans cette crise est faible à lutter contre ses effets dévastateurs. Cette promesse, pourtant rappelée dans l'accord de Paris, n'était toujours pas tenue en 2019, où l'on plafonnait péniblement autour de 79 milliards de dollars. La COP26, qui se tient à Glasgow en Écosse depuis ce dimanche, se déroulera sur 12 jours et prendra fin le 12 novembre courant. Et pour ce, certains citadins espèrent que ce sommet apportera une suite favorable sur la protection de la couche d'ozone. Ils demandent que les participants à cette réunion puissent mettre en application ce qui a été convenu. Suivez-le. Je suis très content de la tenue du COP26. Mais si j'étais présent dans cette réunion, j'allais demander aux États les plus riches qui disposent des industries, lesquelles industries participent à la destruction de la couche d'ozone. J'allais leur demander de mettre en place un fonds de soutien aux pays en voie de développement comme le Burundi. Je profite de cette occasion pour lancer un appel pressant à ceux qui ont eu la chance de participer, de faire ce plaidoirie afin que les pays en voie de développement puissent en bénéficier quelque chose. Mais aussi, il est temps de suggérer que mieux serait qu'il y ait l'évaluation des décisions antérieurement prises en rapport avec différents COP qui ont eu lieu. Cela peut permettre à une évaluation permettant même de mettre en place une planification tenant compte de la situation présente. Je voudrais aussi que les décisions prises soient communiquées à toute la population en général de la base au sommet parce que c'est nous-mêmes qui sommes victimes des conséquences de la pollution. De mon point de vue, l'augmentation de la chaleur au niveau du monde entier qu'au Burundi est lié aux différentes industries qui fabriquent différents matériels qui puisque à la fin de leur industrialisation ils fournissent des gaz qui va détruire la couche d'ozone et puis il y a aussi le manque dans différents pays des initiatives allant dans le sens de plantation des arbres. Ces arbres aussi vont aider à la lutte contre la chaleur dans différents pays. Nous attendons impatiemment avec grande joie si les recommandations qui seront prises. Nous voyons que les gens qui ont représenté, que ce soit le Burundi ou d'autres pays en voie de développement, qui puissent défendre les intérêts de leur pays d'origine, de façon que les grands projets allant dans le sens de la protection de l'environnement et de la nature puissent être financés de façon que ces pays où il y a beaucoup d'industries, ils puissent sponsoriser les pays dans leurs projets de protection de l'environnement. La 26e réunion, c'est le changement climatique, COP26. C'est une réunion qui a une grande importance si on met en application les conclusions à rapport avec le changement climatique. En tant que Burundais, j'attends de cette réunion la réduction liée au changement climatique, entre autres les produits qui sont produits par les grandes industries. Là, j'invite les participants à cette rencontre de prendre des mesures nécessaires à la protection de la couche d'ozone. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h06, Siri Sanganiro, les conducteurs de bus de transport Bujumbura, Bubanza et vice-versa disent qu'ils s'adaptent petit à petit au nouveau parking situé au marché de Ngagara. Certaines des difficultés évoquées sont entre autres le manque de restaurants et manque d'espace d'attente lorsqu'il pleut. Ils demandent à la mairie de Bujumbura de trouver solution à ces défis. Et les Batois de la sous-colline Muchamba, commune Mumba, se plaignent du manque de latrines dans leur site. Ils disent qu'il manque de l'espace pour les construire. Le chef de colline Ernest Ndaichimie dément et lance un appel à ces Batois de construire ces latrines sous peine d'amende. La célébration de la fête des Toussaint rappelle aux chrétiens qu'ils doivent vivre en harmonie comme dans la paix, la justice et le partage des biens, comme se trouve dans les huit béatitudes. Lors de son homélie ce lundi, Mgr Gervais Banchimiusa, archevêque diocésain de Bujumbura, trouve que cette voie leur rassure le royaume des cieux. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre de Kung Fu atteint le niveau d'arbitre des matchs internationaux après avoir bénéficié des formations dispensées par la Fédération internationale de Kung Fu. Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de Kung Fu, fait savoir qu'un arbitre qui viole les lois régissant le sport de Kung Fu doit subir différentes sanctions, y compris la suspension définitive dans le corps d'arbitrage. Les détails avec Marie-Claire Kadzenidz. Avoir les compétences et l'expérience pendant les formations internationales de Kung Fu sont certains critères pour devenir un arbitre international de Kung Fu. Propos de Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de Kung Fu. Dans l'arbitrage, au niveau international, vous savez que des compétitions internationales, il y a des gens qui maîtrisent, qui ont beaucoup d'expérience. Souvent, on demande les expériences internationales, comme si vous avez fait des formations ailleurs ou bien vous avez fait des formations internationales. Ce président de la Fédération de Kung Fu Burundi indique qu'un arbitre qui viole le règlement de ce sport doit être puni conformément à la loi qui le régit. Si ce sont les arbitres, alors ils sont disqualifiés parce que nous avons des arbitres. Pour le moment, nous avons à peu près 20 membres qui font en fait l'arbitrage au niveau national ici. Alors, ils suivent toujours des formations au niveau national. Il précise que les sanctions sont prises selon la gravité de la faute commise. Mais quand ils font des erreurs, alors ils sont chassés parfois et ils sont sanctionnés, des amendes. Ça dépend en fait de quel genre de faute qu'il a fait ou qu'elle a fait. Yves Nirenganya explique que les arbitres burundais de Kung Fu affichent généralement un bon comportement du fait qu'ils sont plus souvent appelés à arbitrer les compétitions régionales de Kung Fu. Merci Marie-Claire Kadzenedza. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci également à Innocent Vivonimana pour sa parfaite collaboration technique. Bonne fête de Toussaint à toutes et à tous. Au revoir. Médard Niyonkuru.